Rocken, écoute ça. Eh, là c'est le début de la fin. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, je kiffe tout. Quoi? Je dirais pas que je kiffe tout. Mais c'est là. Non. Ça me massacre. Putain. Là c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, une page qui se tourne. Chez nous y'a du bon mais je dirais pas que je kiffe tout. On viscère dans la lue, y'a plus de technique, ils misent tout dans l'allure. Je m'en fous de briller comme une étoile, j'ai déjà la tête dans la lune. On dépense sans compter, on jette le fric par la fenêtre. Je te parle à frère, ma vie est ce qu'elle est, de façon je peux pas la refaire. Le binôme c'est quoi? Deux éléments qui se complémentent. J'ai perdu des branches et j'arrive pas à combler le manque. Suffit d'une balance pour qu'ils viennent foutre la merde à 6h. Perso je m'en fous tant que mon son tourne comme la mer à Stifleur. Je me vide la tête, c'est une sorte de thérapie en Mohamed. Mes rap, l'état de il pull un peu comme Mohamed Mera. J'voulais tout lâcher, on m'a dit faut pas que tu fasses ça. La nuit j'tag mon place sur des façades. J'kick des faces sur des faces. Ah, trop de regrets. Donc obligé que j'tise. Observe, j'kick, mais j'perds pas de vue mes objectifs. C'est quoi ce monde de ribou? Trop malsain. J'deviens radin, pire que l'oncle Picsou. Dans les concerts de Watibé, y'a toute la foule achetée. J'roule à pied, j'vois la réalité mieux qu'un full HD. J'vous l'admets, les jaloux ont le bâton qui se tend. Dis-toi que planer ça dure qu'un temps, comme un avion qui se plante. J'ai vu des crashs et des bastons flippantes. Mais bon, j'oublie ça dans une boisson piquante. Et nique sa mère si j'ai perdu mon taf. J'fais plus le vénère parce que c'est plus de mon âge. Fallait que j'me sens tomber, j'effrite ma peu. Vous dire adieu sera ma seule façon de prendre congé. L'envie de gerber avec la gueule dans le pot. J'crois que j'vais me faire tatouer un œil dans le dos. J'écris peut-être bien mais gros j'suis pas Rimbo. Mais non, là c'est l'outro et j'vous dis à bientôt. Et j'vous dis à bientôt. Attends, resserre un verre, gros. Vas-y, mon bino. Mais comment ça, resserre un verre? La bouteille, elle est vide, mon frère. Comment ça, la bouteille, elle est vide? Mais ouais, frère, on a fini le projet, là. C'est le dernier titre, frère. Le dernier titre, t'es sérieux? Bah ouais, frère. Regarde, c'est le dernier verre, c'est le dernier titre. On a tué jusqu'au bout. Viens, on s'y remet, là. C'est pas la fin, là. Viens. Ouais, mais frangin, t'as pas de truc. Si on réinvestit une bouteille, on s'y remet pour un projet. Comment ça, là c'est le dernier texte, le dernier vers, le dernier thème? Mais ouais, on a tué la bouteille, frère. Viens, on s'y remet, vas-y, va chercher une prod. Moi genre t'as pas de truc là, vas-y. C'est parti. C'est que le début ou pas? C'est que le début. C'est pas la fin, non. C'est que le commencement. La fin d'un chapitre. Mais c'est le début de l'histoire. Mais c'est le début de l'histoire. Où je pète des caps. La nuit je tape mon place en deux clochards qui prennent des grâces. C'est qui sont mes gars sûr. Quand y'a des pailles ils viennent. On sait qui sont les vrais, arrêtez pas l'hiver. Les erreurs d'hier font rien m'apporter de mal. Les sons font rares malgré le studio à portée de mal. Je reste vandale comme un tag à la torche. Viens d'une ville où tu fais le fond, on te met un tag à la gorge. Le binôme c'est que j'étage. Tape mon place en gros les trash. Cherchez le bonheur au final, gros je l'ai pas. Constamment sous pression ou sur les nerfs. Allez arrête, toi t'es un foie. Sur le net, je regrette l'époque où on traînait au plaque ou au maxi. Le binôme a tout chape comme au Marcy. Y'a quand les frères partent qu'on verse des larmes. Si t'as fait le fou, crois pas qu'on va en rester là. Port de nos nuits blanches, à arpenter le trottoir. Quand la réalité flanche, parfois c'est juste trop tard. Comme si tout avait sauté, mais je le savais, bordel. J'ai trop de pensées mauvaises, donc juste envie de chercher querelle. Tous ces bouffons m'oppressent, à manger tête baissée dans leur gamelle, bande de chiens. Et ma bande des parents fumés pour un rien, sale nazi. Je vous tague dessus, suceur, donc reste là bien assis. Moi j'avance à la sueur, pourtant déjà je m'oxyde. Et je rêve de vous sortir, mais que je peux, je me casse d'ici. Y'a que l'aventure qui excite. Le bitume exude nos fautes, mais dites. J'ai même plus sur quoi je médite. Et je pèse même sur nous autres quand je réfléchis. Et maintenant j'hésite sur tout ou part en vrille. Devant le crâne j'en ai même pas l'envie. Je défends pas ça clairement. C'est juste des sales passades. La rue me va pas certainement. C'est trop dur de rester sage. Moi j'aimerais compter les dollars. Des rimes en tête. Des nuits entières. Juste me pomper les trottoirs. Je m'habitue à ce désert. Et à dompter les crotales. Dans ma tête je suis déjà mort. Pour me plomber c'est trop tard. Rappelle-toi, j'étais le plus petit du quartier. Une haleine d'alcool et les pupilles dilatées. Ça va mouiller dans les slips, j'fais que me grouiller le temps s'éclipse. J'ai mis des coups et j'en ai pris, mais j'me sens souillé dans l'estime des gens que j'porte dans mon cœur. C'est pas censé, qu'une Porsche sans moteur. Nique la SNCB, c'est Riz la SNPD. Ça pue la pisse quand y'a de la tisse, moi j'ai l'air fêlé. Sur les boulevards on rôde, c'est fou quoi, j'étouffe là, c'est le foutoir mon gros. Je rêve d'étouffer la chance avec une toute belle ceinture. Je termine ce 16 avec une coulée de peinture. C'est le binôme bâtard.